Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, j'irai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, je te suivrai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, j'y irai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'y irai. Dans de verts pâtures, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme me guidera. S'il faut gravir des montagnes dans la vallée profonde, le berger de mon âme est avec moi. Oh. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, j'irai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, je te suivrai. Dans de verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme me guidera. S'il faut gravir des montagnes dans la vallée profonde, le berger de mon âme est avec moi. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Oh oui, si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Oh oui, si je donne mon cœur, je la donne à toi, Seigneur. Oh, si je donne mon temps, je le donne à toi, Seigneur. Oui, si je donne, si je donne, je le donne à toi. Si je donne ma vie, si je donne, je le donne à toi, Seigneur. Oh oui, si je donne ma vie, je le donne à toi, Seigneur. Si je donne mon cœur et mon temps pour toi, mon roi, oh, je les donne à toi, Seigneur. Oui, si je donne mon cœur, je le donne à toi. Si je donne mon cœur, si je donne, je le donne à toi, Seigneur. Si je donne mon cœur, si je donne, je le donne à toi. Si je donne mon temps, si je donne mon temps, roi, je le donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, si je donne ma vie, mon roi, si je donne mon cœur, oh, si je donne, je le donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, si je donne ma vie. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds, mon Dieu, fais de moi. Oh oui, devant toi, fais de moi ce que tu veux. Tous ensemble, que ma vie, tous ensemble, que ma vie soit une fleur. Oh, oh, thank you, Jesus, que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Oh, oh, oh, oh, oh, ah. Devant toi, mon roi, mon Dieu. Alléluia. Devant toi, mon Dieu. Thank you, Lord. Devant toi, mon roi. Alléluia. Il est digne de louange. Alléluia, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Levez-vous, s'il vous plaît. Et fermez les yeux. Une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Est-ce que tu peux faire cette prière? Que ma vie ce matin soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Fais cette prière à Dieu ce matin. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Majesté. Majesté. Disons majesté. Majesté. toi la majesté. Est-ce que tu peux lever les mains et adore le Seigneur ce matin? Disons tous majesté, majesté, majesté, à toi la majesté, majesté, ta grâce, ta grâce m'a prise telle que je suis, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle le debris, ta grâce, oh, ta grâce, ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur, sans valeur, mais pour toi, perle de bris. Oh, par ton par amour, ton amour, par ton amour. Je suis transformé, oh, en présence de sa majesté, en présence de adore le Seigneur ce matin, à cause de ta grâce, ta grâce, tu es bien compris. Par ton amour, je suis transformé, en présence de sa majesté, en présence de sa majesté. J'aime cette partie qui dit ta grâce m'a prise. Ta grâce m'a prise telle que je suis. Telle que tu es ce matin, le Seigneur t'aime. Le mais pour toi. Peut-être que tes voisins ne t'aiment pas, tes amis ne t'aiment plus. Le Seigneur t'aime ce matin. Ta grâce m'a prise telle que je suis. Son valeur est pour toi. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, par ton je amour. Suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. Oh. En présence de sa majesté. Est-ce qu'on peut dire majesté? Majesté. Adore-le ce matin, il est majesté, il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha et l'Oméga. Oh Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah Tiré, Jéhovah Tikeno, oh les bros et les bébés, Ikele Mambros et les Makalachambo. Oh Seigneur, nous te t'adorons ce matin, nous élevons ton nom, tu es majesté, tu es majesté. Ils ont majesté, nous ensemble, tes mains, nos cœurs, majesté, oh, majesté, une dernière fois, majesté, majesté, majesté, même si tu ne connais pas le chant, tu peux dire majesté, majesté. Tu es majesté, tu nous as prises par ta grâce, Seigneur, merci. Tu nous as aimés, nous as transformés. Te bénissons ce matin, nous adorons ton nom. Seigneur, nous prions ce matin que cette grâce soit réelle pour nous ce matin. Seigneur, merci. Et alors que nous venons devant le trône pour écouter ta parole, dispose bien nos cœurs pour recevoir ce message. Cette parole qui va nous transformer, qui va changer nos vies et qui va nous sauver. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Faites-vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. La présence de Dieu est ici ce matin. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons continuer. Alléluia. Est-ce que les danseurs sont là? Vous allez danser? Ah, ok. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer avec notre sujet. Nombreux sont appelés. Alléluia. Nombreux sont appelés. Et qui sont ceux qui n'ont pas le livre? On a toujours des copies. Alléluia. Des copies. Le livre. Nombreux sont appelés. Alléluia. Parfois, on ne connaît pas. On ne comprend pas ce qu'on dit lorsqu'on parle de l'appel. Alléluia. Et même lorsqu'on lit le verset qui parle de l'appel, on ne comprend pas ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Et ici, on a bien expliqué, alléluia, tout aspect de cet appel. Alléluia. Et alors que tu lis le livre, tu vas bien comprendre. Et tu vas même te retrouver quelque part. Alléluia. Et je pense que tu seras béni. Alléluia. Et donc, on a le livre, c'est le mois de la vision 527. Alléluia. Où nous lisons ensemble. Alléluia. Et donc, si on a des copies, si tu as 15 Ghana, c'est 35 Ghana, mais on a réduit ça à 15 Ghana. Alléluia. Et donc, si tu as 15 Ghana ce matin, tu peux acheter. Alléluia. Qui veut acheter, lève la main. Ok, Stéphane. Ok. Allez, c'est une seule personne. Yeah, on a beaucoup. 15 Ghana. Alléluia. Tu viens bien comprendre l'appel. L'appel. Parce que parfois, moi j'ai commencé à comprendre, je vous ai dit la semaine passée, j'ai commencé à comprendre la parole de Dieu en lisant un livre. Parce que le livre, quelqu'un a donné une révélation à quelqu'un, à quelqu'un d'autre, et puis il a expliqué, il a donné la révélation qui explique bien le verset. Et c'est de là que j'ai commencé à comprendre les versets de la Bible. Alléluia. Et je ne dois pas, Dieu peut me donner une révélation. Mais Dieu a déjà donné des révélations à d'autres personnes. Hein? Mais donc avant que je reçoive cette révélation, je lis d'abord la révélation de quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc un livre. Comme chrétien, tu dois toujours avoir un livre que tu es en train de lire. Un livre chrétien. Et tu vas voir que ta vie va changer. Et tu vas renouveler ton intelligence comme Romains 12 dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu vas renouveler ton intelligence. Et tu vas mieux comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Donc achetez. Et donc nous allons continuer ce matin. Alléluia. Comment... le chapitre donc si tu n'as pas le livre donc tu vas te perdre un peu, donc si tu n'as pas le livre tu peux lire avec quelqu'un. Alléluia, parce qu'on va aller dans le livre. Alléluia. Et puis on va lire ensemble. Ok, si tu as deux, il y a des gens qui ont deux copies, tu peux donner une copie à quelqu'un d'autre. Alléluia. Hein, emprunter, tu peux acheter pour quelqu'un. Hein, achète pour quelqu'un. Alléluia. Tu vas acheter 15 Ghana, tu seras béni. Alléluia. Tu vas acheter pour quelqu'un qui deviendra un apôtre un jour. Et la personne va dire, ah, le livre là que tu m'as acheté, c'est ça. Donc n'hésite pas d'acheter pour quelqu'un. Tu ne sais jamais. Chaque fois, je dis que nous sommes des jeunes. Et on a beaucoup d'années devant nous. Et la personne qui est assise à côté de toi, parce que tu ne le considères même pas. Mais un jour, dans 10 ans, tu vas voir que cette personne est devenue un grand homme de Dieu, bien un PDG quelque part. Et tu seras étonné. Alléluia. Donc, achète pour quelqu'un. Ce matin, nous sommes sur chapitre 4. Ce qui caractérise des personnes appelées. Hein? Quelles sont les caractéristiques des hommes, des personnes qui sont appelées? Alléluia. Là, le dimanche passé, on a parlé de quoi beaucoup sont appelés. Hein? Est-ce qu'on a fini ce chapitre? Non? On a dit beaucoup sont appelés. Il existe un appel à la fécondité. Alléluia. Dieu nous a appelés pour être fructueux, pour porter de fruits dans la maison. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens pensent que non, je dois être apôtre. J'entends une voix qui m'appelle d'être apôtre pour comprendre que bon, je suis appelé. Alléluia. Mais c'est pas ça. Dieu nous appelle seulement pour porter des fruits. Hein? Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux parler, tu peux encourager quelqu'un, tu peux enseigner quelqu'un. Tu peux juste expliquer. Hein? Toi, tu sais comment expliquer un verset à quelqu'un d'autre. Ça, tu es en train de porter un fruit, le fruit. Alléluia. Et puis, certaines personnes sont appelées de manière spectaculaire. Comme Paul. Alléluia. Dans Actes chapitre 9, il a vu quoi? Une lumière. Alléluia. Une lumière. Donc, spectaculaire. Alléluia. Certains sont appelés de manière ordinaire. Wow. Ordinaire. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 1 Roi chapitre 19 verset 11. Alléluia. Yeah. Yeah. Alléluia. Donc ordinaire. Comme plusieurs d'entre nous, c'est ordinaire. Certains sont appelés juste pas à travers un souhait, un désir. Amen. Je désire, comme Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Désire, tu désires faire quelque chose. Ce matin, je méditais un peu, j'ai réalisé que qui est ici parce que tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi? Qui est ici? Non, je pose la question à vous. Qui est ici? Parce que tu veux faire quelque chose bien, tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Qui est ici? Yeah! C'est le désir là. Dieu t'a appelé. Tu désires quelque chose pour Dieu, de Dieu. Alléluia. Donc, cela veut dire que Dieu t'a appelé. Alléluia. Tu ne dois pas voir la lumière, le vent. Hein? Pas nécessairement. Certaines auront, mais beaucoup n'auront pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc ce matin, on va voir les caractéristiques des personnes qui sont appelées. Alléluia. Amen. Yeah. Tu vas voir que tu vas te retrouver quelque part. Alléluia. Wow. OK? La première caractéristique, ok, Exode 3, chapitre 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Wow, qui suis-je? Dieu appelle ceux qui ont manqué de réussite. Yeah. Qui suis-je? Est-ce que tu as une fois échoué à quelque chose? Yeah. Dieu t'a appelé. Parce que tu vas te voir, ah mais qui suis-je? Moi j'ai beaucoup échoué, j'ai beaucoup d'échecs. Hein? J'ai commencé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Hein? J'ai écrit une matière et j'ai échoué. Alléluia. J'ai essayé de prier, ça n'a pas marché. Alléluia. J'ai essayé de parler à quelqu'un, il n'a pas reçu Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'a appelé. C'est ça. Parce que Moïse a essayé une fois. Lorsqu'il était dans Israël, il était là, il a essayé une fois. À la fin, il a tué quelqu'un. Parce que la personne maltraitait les enfants d'Israël. Et puis, les enfants d'Israël l'ont dit, « Ah, mais qui t'a choisi comme notre leader ?» Et donc, ils l'ont rejeté. Et puis, il est parti. Et puis, Dieu a dit, « Non, retourne. » Donc, il a échoué une fois. Il a essayé d'être leader du peuple d'Israël. Il a échoué une fois. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai appelé. Alléluia. Si tu as une fois échoué, ça veut dire que Dieu t'a appelé. Wow. Et la deuxième caractéristique, les personnes indignes. Combien de personnes sont dignes ici? Alléluia. Combien de personnes? Hein? Même ce matin, ce que les gens ont fait ce matin avant de venir à l'église là. Tu vas voir que, ah Seigneur, je ne suis pas qualifié. Mais si le Seigneur dit que tu es qualifié. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu es qualifié. Alléluia. Ne laissez pas le sentiment d'indignité vous empêcher de répondre à l'appel du ministère. Nous savons que tous, nous sommes tous indignes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Dieu appelle les personnes dignes. Et il est en train de vous appeler. Lorsque tu es digne. Hein? On va parler dans le détail d'indignité que chacun a ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu nous a tous appelés. Hein? Mais peu répondent. Peu répondent. Mais ici, on va avoir beaucoup de personnes qui vont répondre. Vous allez comprendre que Dieu t'a appelé. Alléluia. Carlos, c'est Carlos, non? Carlos. Dieu t'a appelé pour rapper. Est-ce que tu vas rapper pour nous ce matin? Sans le savoir, le rap que tu vas faire, il va toucher le corps de quelqu'un. Yeah. Alléluia. Dieu appelle ceux qui sont rejetés et ont été rejetés. Yeah. Dans ton hostel, personne ne t'aime. Personne ne répond pas lorsque tu dis bonjour. Dans ta famille, tu es rejeté. Alléluia. Je me rappelle un frère là, qui est ici, il est venu du pays et puis il est resté au Ghana. Il a commencé, on l'a envoyé. À un moment donné, c'est comme il a été rejeté. On l'a envoyé plus le reste. Plus de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ha! C'était pas facile. Mais il voulait finir les études. Alléluia. Oh! C'était pas facile. Rejeté. Est-ce que tu as une fois rejeté par quelqu'un? Hein? Est-ce que tu as été une fois rejeté? On va lire cette histoire de Moïse. Il regarda du côté. Ok? Exode chapitre 2. Je suis à la page 26 si tu as le livre. Mais si tu n'as pas le livre, tu peux le lire dans Exode chapitre 2, verset 12 à 14. Alléluia. 12, verset 12. Exode 2, verset 12. Exode 2, verset 12. Ok? Ceux qui n'ont pas le livre, tu peux lire avec nous. Alléluia. Je veux que tout le monde achète le livre. Alléluia. Parce que nous, les francophones, on n'a pas beaucoup de connaissances. Je ne veux pas dire connaissances, mais peut-être que beaucoup ne répondent pas à l'appel, les francophones. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas notre faute. Amen. Ce n'est pas notre faute. Alléluia. Mais par ce livre, on va comprendre ce que c'est l'appel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce que c'est l'appel. Beaucoup d'entre vous allez retourner au pays et vous allez aider les autres personnes. Si vous comprenez l'appel. Est-ce que vous comprenez? Yeah. La fois passée, je vous ai dit, tu n'es pas né pour... Hein? Tu n'es pas né pour un homme. Tu n'es pas né pour une femme. Yeah. Tu n'es pas né pour être comptable. Tu n'es pas né pour être informaticien. Hein? Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas né pour un diplôme. Tu n'es pas né pour un boulot. Yeah. La fois passée, il y a un collègue qu'on l'a demandé de démissionner. Parce qu'il avait quelque chose. J'ai dit, mon Seigneur, si je suis né pour ça là, c'est pas bon. Hein? On te demande de démissionner comme ça là. On n'est pas né pour un boulot. Alléluia. On est né pour le ciel. On est né pour de grandes œuvres, de bonnes œuvres, des œuvres excellentes. Alléluia. Ce que tu vas amener au ciel, c'est pour ça que tu es né. Tu n'es pas né pour un papier. Que l'inondation va à... L'inondation, les gens ont perdu leur diplôme. Le certificat a été mouillé. Les gens ont perdu le passeport. Tu n'es pas né pour un passeport. Donc, si toute ta vie, c'est le passeport, bien, toute ta vie, c'est le diplôme, un jour, l'eau va amener, puis tu vas voir que tu es fini. Est-ce que c'est la vérité ou bien c'est la vérité? C'est la vérité. Non, si je suis né pour le diplôme, là, comme c'est fini, ma vie est finie. Ou bien? Non, donc tu n'es pas né seulement pour le diplôme. Tu es né pour des bonnes œuvres. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? C'est ça, tu es né pour ça. Et c'est ça que tu vas amener au ciel, pas le diplôme. Parce qu'après ta mort, personne ne peut utiliser ton diplôme. Donc, quelle est la valeur? Personne ne peut utiliser ton diplôme. Parfois, lorsque tu traverses la frontière, dans l'autre pays, c'est plus valable. Donc, c'est là que tu dis que ce n'est pas valable au ciel. Yeah. Tu n'es pas né pour un homme, Daniel. Tu n'es pas né pour un homme. Yeah. Donc, si tu t'as dit, je suis là, Seigneur. Oh, je cherche le mari. Je cherche le mari. Tu vas voir que ta vie est foutue parce que il y a les hommes qui vont te. Amen. Toi, tu es qui? Ils vont t'utiliser et puis te laisser quelque part. Donc, tu n'es pas né pour un homme. Tu n'es pas né pour l'argent. Alléluia. Ce n'est pas pour l'argent. Tu es né pour de bons, des œuvres qui ne sont pas, qu'on ne peut pas voir. Hein? Aider quelqu'un à aller au ciel. Un jour, tu vas. C'est là la couronne, les prix, les récompenses. Alléluia. Il ne faut pas me mal comprendre. Hein? Yeah. On va se marier. On va avoir de l'argent. On va travailler. Vous tous, vous aurez des diplômes. Ou bien. On aura ça, mais on n'est pas né pour ça. Ça là, c'est pour nous aider à vivre sur cette terre. Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, c'est pas tout ta vie là, c'est pas pour ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Yeah. Donc, on va aller Exode 2, chapitre 12, chapitre 2, verset 12. Il regarda du côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua les Égyptiens. Et le cacha sous le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient, et dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu nous me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et dit, « Certainement, la chose est connue. » Waouh. Rejeté comme chef, hein, leader du peuple d'Israël. Alléluia. Qui t'a établi chef? Toi, tu es qui? Alléluia. La famille, lorsqu'on a réunion, on ne t'appelle pas. Hein? On t'appelle inutile. Comme qui? David. On a oublié David. Yeah. Oublié. Donc toi, on t'oublie. Lorsqu'on prend des décisions, on t'oublie. Alléluia. Dieu t'a appelé. Yeah. Alléluia. Wow. Est-ce que vous êtes là? Ceux qui n'ont pas Dieu appellent ceux qui n'ont pas de crédibilité. Alléluia. Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, je ne me crois point. Ou bien, non, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne l'a point apparu. Alléluia. Yeah. Pas de crédibilité. Dieu ne t'a pas appelé. Beaucoup d'entre nous, hein, te disent, ah mais est-ce que Dieu m'a appelé? Hein? Je ne suis pas comme Paul qui a vu la lumière. Yeah. Comme Moïse qui a vu, qui a entendu la voix de Dieu, ou bien qui a vu le truc là brûler, le feu là. Yeah. Tu as dans ta chambre là, est-ce qu'il y a un buisson? Ha ha ha. Buisson, tu ne connais même pas Buisson. Alléluia. Yeah. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a appelés. Yeah. Dieu t'a appelé. Dieu appelle ceux qui ont un complexe d'infériorité. Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et je n'ai ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Waouh! Waouh! Hein? C'est complexe. Je pense que tout le monde, tous nous tous, nous avons ça quelque part. Quelque part. Oh, quelque part. Je n'arrive pas. Hein? Est-ce que vous comprenez? Yeah? Tout le monde. Hein? Tout le monde a ce complexe. Quelque part. Inférieur. Je suis inférieur. Regarde l'autre personne. Regarde le pasteur. Il sait comment prêcher moi. Comment est-ce que moi je peux parler aux hommes? Alléluia. Regarde l'autre. Il chante bien. Bonne voix. Moi, mais lorsque je parle, les gens disent, oh, parle fort, je n'entends pas, je n'entends pas. Et ça crée un complexe. Vous voyez, chaque fois qu'une chose négative arrive dans nos vies, ça crée cette situation de complexe-là. À nous. Envers l'autre. Parce qu'on voit que l'autre bien fait. Et puis nous, on n'arrive pas à faire. L'autre sait. Ça, l'autre marche à la mode. La mode, comment on dit? Les pas. Marche bien. Mais toi, tu marches, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Déjà, tu te sens un peu inférieur à l'autre personne. Chaque fois, lorsque vous êtes là, et les gens viennent, oh, j'apprécie ta structure. Et puis, tu es à côté, oh. On ne te regarde pas. Et puis tu te sens inférieur. Ou bien? Yeah, tu te sens inférieur. En classe, l'anglais. Les gens parlent avec l'accent américain. Avec l'accent américain. Mais lorsque toi, tu commences à parler, on sait que le gars là, il vient, il parle lingala. Il est de lingala. Il est de la race Lingala. Hein? Donc, tu vois, ce complexe arrive dans beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations. Il se sent un peu inférieur. Alléluia. Mais c'est toi que Dieu a appelé. C'est toi. Si tu te sens inférieur, c'est toi que Dieu a appelé. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que je vais prendre les choses inférieures pour confondre les sages. Yeah. C'est quoi parfois, aujourd'hui, lorsque le monde regarde, voit certains pasteurs deviennent des grands hommes de Dieu, les gens sont surpris. Comment est-ce que cette personne-là est devenue un grand homme de Dieu? Lorsqu'on était à l'école, il ne savait rien, il est joué chaque fois. Yeah. Dieu va prendre ce qui est très bas, inférieur, pour confondre ceux qui pensent, celui qui pense qu'il est sage. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc, il ne faut pas mépriser, s'il y a une expression comme ça. Il ne faut pas te mépriser. Dieu t'a appelé, tu es important pour Dieu. Lorsque les gens te rejettent, les gens ne t'aiment pas, les gens te rendent inférieur. Chaque fois, lorsque tu es dans le groupe, oh, lorsque tu commences à parler, tais-toi. Parce que ce que tu dis, c'est comme ce que tu dis n'a pas de sens. C'est toi que Dieu a appelé. Tu es important pour Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Jésus a été rejeté par les Juifs avant d'être accepté comme le sauveur. Moïse a été également rejeté par son peuple. Mais, plus tard, a été accepté comme le libérateur d'Israël des mains des Égyptiens. Yeah. rejeté. C'est lorsqu'il était, il est déjà ressuscité sans un arrêt. Ah! C'est là le sauveur, Jésus. Mais avant, on a rejeté tout ce qu'il disait, non! Alléluia! Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Yeah. Pas de crédibilité. Wow. Dieu a appelé les gens. Ok? Dieu a appelé les gens qui ont échoué lors des précédentes tentatives dans le ministère. Alléluia. Qu'est-ce que David a dit? Tu as dit, oh, Dieu m'a appelé, j'ai essayé. Et puis c'est comme ça, ne marche pas. Donc Dieu ne m'a pas appelé. Alléluia. Donc si tu as tenté une fois, il y a certaines personnes qui ont commencé des églises une fois. Et c'est comme ça, ne pas marcher. Donc ils pensent que le Seigneur ne les a pas appelés. C'est pas vrai. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pas vrai. Les miracles de Moïse n'ont pas produit d'effet souhaité par Moïse. Moïse a été déçu parce qu'il allait vers Pharaon et faisait des miracles. Et après tous les miracles qu'il a fait, les parents ont dit non, je ne vais pas laisser le peuple. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il a échoué plusieurs fois. C'est à peine plus tard que Pharaon dit ok, non, maintenant, parce que maintenant c'était grave. Il a tué le fils de Pharaon. Il a fait beaucoup de miracles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais avant, il a commencé par des miracles. Il a jeté son quoi là? Le bâton est devenu serpent. Il a fait autre chose, beaucoup de choses. La rivière est devenue comme le sang. Beaucoup de trucs là. Mais Pharaon a dit non. Mais c'est à la fin qu'il a accepté. Donc si Moïse a dit que non, j'ai essayé plusieurs fois, Pharaon n'a pas, donc je laisse. Il va dire que Dieu, tu ne m'as pas appelé. Est-ce que vous comprenez? Ah, donc, lorsque tu échoues au ministère, tu as commencé, tu viens, on dit, ok, commence un groupe de prière, tu as commencé, ça n'a pas marché. Commence à quoi baler si tu as commencé, ça n'a pas marché. Commence, essaie d'apprendre à jouer à la batterie. Tu as joué, oh non. Les choses, lorsque tu commences à jouer, les gens ne dansent plus. Et puis, parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Tu vas penser que Dieu ne t'a pas appelé. Mais c'est toi que Dieu a appelé. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes bénis ce matin? Yeah. Dieu a appelé ceux qui manquent d'éloquence. Ça, c'est le verbe. C'est ça, non? Ceux qui ont le verbe. Alléluia. Le verbe. Hein? Jérémie, chapitre 1, verset 6. Alors je dis, ah, Seigneur Dieu, voici, je ne peux pas parler, car je suis un enfant. Waouh. Ça arrive à beaucoup de personnes ici. C'est ça, non? Yeah. Et comme on n'arrive pas à parler, comment est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler, partager la parole avec quelqu'un? Alléluia. Moïse a dit la même chose parce qu'il bégait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Une personne éloquente s'exprime facilement, de manière claire et concise. Hein? Jérémie reconnaît qu'il ne pouvait pas s'exprimer très bien. Il s'agit d'un complexe très souvent observé chez les personnes appelées. Waouh! Waouh! Moi aussi j'avais ça. Pas d'éloquence. Hein? Même le français. Français, anglais. Parfois lorsqu'on parle, c'est comme l'anglais va rentrer dans le français. Et le français va rentrer dans l'anglais. Parfois, on fait des erreurs. Hein? Parfois, on explique, les gens disent que je ne comprends pas. Un jour, le matin, je dis, est-ce que vous avez compris? Quelqu'un dit, non, je ne comprends pas. Alléluia. Yeah. Éloquence. Ça arrive à tout le monde ici. Ou bien? Yeah. Yeah. Mais Dieu t'a appelé. Yeah, Dieu t'a appelé. Dieu a donné Aaron à Moïse. Ou bien, pour parler à la place de Moïse. Moïse va dire à Aaron et puis Aaron va dire au peuple. Est-ce que vous comprenez? Yeah, beaucoup d'entre moi-même, je suis étonné. Lorsque j'étais à l'école, en troisième, j'étais le chef de classe. Yeah? Parce qu'on dit que, normalement, on dit que le premier de la classe est le chef de classe. C'est ça, non? Yeah. Donc, j'étais le chef de classe. Je n'arrivais pas à parler. c'est la joie. On dit, c'est la joie, non? Yeah, c'est la joie qui parlait toujours. Yeah? Ça, troisième mot. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Pour me tenir devant la classe, je ne fais pas. Je dis, ok, va dire. Je me cachais toujours. Toujours. Alléluia. Aujourd'hui, regardez-moi, au moins vous êtes 20 ici, il y a 30 ici. Et je peux parler facilement. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas aussi facile. Oh. Chaque fois, avant de monter, je me pose la question, qu'est-ce que j'allais dire au peuple? Il y a toujours ce sentiment de comme, qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai rien à dire. Est-ce que les gens vont comprendre? Alléluia. Yeah. Mais c'est parfois, je finis de prêcher et je me pose la question. Je dis, oh, je suis béni. Je me pose la question, qu'est-ce que j'ai dit? Yeah, qu'est-ce que j'ai dit? Alléluia. Lorsque tu fais le premier pas, Dieu fait le reste. Alléluia. Le chrétien ne vit pas par les sentiments. Le chrétien vit par la foi. Tu prends le pas, tu fais le pas de foi. Alléluia. Et tu vas voir que tu vas faire beaucoup de choses pour Dieu. Alléluia. Hein? Donc ne cherche pas. Ne dis pas que tu ne peux pas parler. C'est Dieu qui va parler. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Yeah. L'évêque même a dit, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, mon plus grand problème était mon incapacité à m'exprimer proprement en public. Et l'évêque, c'est pas possible. Donc c'est l'évêque a dit que c'est comme tout le monde, hein? Ou bien, peu de personnes sont nées naturellement, peuvent parler à tout le monde facilement. Peu de personnes. Beaucoup. Si je t'appelle maintenant, viens ici parler, tu vas voir. Tu vas trembler. Vous voyez, parfois, lorsque tu es assis et quelqu'un est ici est en train de parler, tu vas te sentir mieux que la personne. Ou bien, yeah, tu vas dire, oh, si je suis là, je vais bien parler plus que lui. C'est pas ça. Viens, tu vas voir. Tu vas oublier tout. Tu vas oublier tout ce que tu as préparé. Tu vas oublier tout. Yeah. Un jour. L'église, on était 5, 6 ou bien 10. On était assis ici. Donc, c'est moi qui fais la prière, prise en worship, tout. Prends l'offrande, tout. Et prêcher. Donc, le jour-là, je vais faire prise en worship. Hein? Louange et adoration. Et le soir avant, je me suis bien préparé. J'ai dit, aujourd'hui là, les gens vont sentir la présence. Je me disais, j'avais l'expérience parce que j'ai fait depuis 1995, j'étais dans prison worship. Mais on a commencé 2009 ici. Dans plus de 10 ans, j'ai chanté dans la prison worship, dans la chorale. Yeah? Plus de 10 ans. Donc je dis, aujourd'hui là, les gens vont sentir la présence. Hey, Cyril était là. Vous connaissez Cyril? Il est maintenant au Gabon. Cyril. Donc, on a commencé à chanter. Et puis, je veux chanter un autre chant. J'ai commencé. J'ai oublié les paroles. Hey, tout le monde louait, adorait le Seigneur. Et la personne le leader a oublié le chant. Dimanche matin, pas même dans la semaine où nous sommes des frères, non, dimanche, on a invité, il y avait des nouveaux. Et le pasteur, bien le leader, a oublié le chant. En plein adoration. C'était pas facile. Donc, si tu étais là, tu vas dire, oh, pasteur, oh, moi, je connais. Depuis le jour-là, j'ai dit non. À partir d'aujourd'hui, je vais toujours avoir les paroles. Donc, j'ai toujours les paroles. C'est un chant que, c'est pas un nouveau chant. C'est un chant que je connaissais depuis. Donc, lorsque tu es assis, et puis tu commences à juger les gens qui sont ici-là, faut faire attention. Yeah. tu vas oublier. Tu vas oublier. Tu vas oublier. Hein? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, donc, qu'est-ce que je suis dit que c'est Dieu qui fait. C'est pas nous. Alléluia. C'est Dieu qui nous aide à parler. C'est Dieu qui va t'aider à parler. Donc, si tu n'as pas cette capacité de parler en public, Dieu va te former. Et Dieu va t'aider. Et c'est toi que Dieu a appelé. Tu ne sais pas parler en public, c'est toi que Dieu a appelé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Waouh. Waouh. Le temps est parti. Le temps est parti. Dieu appelle les jeunes. Waouh. Alors je dis, Seigneur, voici. Seigneur Dieu, voici. Je ne peux pas parler car je suis un enfant. Hey. Forget. Beaucoup de jeunes rejettent la paix car ils sentent qu'ils sont trop jeunes. Alléluia. Pour quelque chose d'aussi noble et honorable que le ministère. Waouh. Waouh. Les jeunes sont appelés. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok. Les danseurs doivent danser. On va continuer la semaine prochaine. Waouh. Dieu a appelé les jeunes. Tu es jeune, Dieu t'a appelé. Yeah. Parfois, on se sent incapable. Parce qu'on est jeune. On se sent avec nos sentiments sexuels. On pense que Dieu ne t'a pas appelé. Alléluia. Yeah. Sentiments. Donc on se sent indigne. Parce que parfois on s'implique dans ces choses, dans ces activités sexuelles-là. On n'est pas digne. Alléluia. Mais c'est toi que Dieu a appelé. Yeah. Yeah. On s'étonne à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Avec ses sentiments. Alléluia. On va continuer la semaine prochaine. Non, le temps, les anglophones vont venir tout de suite. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Et acclamons le Seigneur. Wow. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Yeah. Et le Seigneur va nous bénir. Wow. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Remercie le Seigneur ce matin. Hein? Je pense que beaucoup d'entre nous, on se retrouve quelque part. Yeah. On a des arguments. Mais quels que soient nos arguments, Dieu nous a appelés. C'est parce qu'on ne sait pas. Et nous sommes en train d'apprendre, petit à petit, à comprendre et à connaître ce qui est la paix. Alléluia. Ce matin, tu veux remercier le Seigneur. Dis merci. Je ne vous entends pas. Priez le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Tu nous as appelés. Des jeunes. Nous sommes incapables. On se sent dignes. On a parlé en public. Mais tu nous dis que tu nous as appelés. Tu nous donnes des exemples dans la Bible. Moïse, Jérémie, David, Élie, Samuel. Qui était enfant, qu'on l'appelait lorsqu'il était jeune. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous allons apprendre à découvrir la paix. À comprendre la paix. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Yeah. Avant de s'asseoir, nous voulons prier pour toi. Je veux prier pour toi spécialement. Alléluia. Si tu es là, peut-être qu'on t'a invité. Et tu te sens un peu loin. Tu ne comprends même pas ce que nous sommes en train de faire ici. Tu es en train de même de parler de l'appel. Ce matin, je veux te dire que le premier appel, c'est l'appel au salut. Dieu t'a appelé pour recevoir le salut. Et ce matin, il t'appelle encore. Je dis encore, je t'ai appelé. Je t'appelle pour que tu n'ailles pas dans l'enfer. Parce que tu peux facilement aller. Demain, on ne sait jamais. Jésus peut venir. Yeah. Et ce matin, je te donne l'opportunité de dire, Seigneur, je veux te recevoir. Ce matin, si tu crois en Jésus-Christ, que Jésus est venu pour sauver le monde, est venu pour te sauver, tu crois dans ton cœur et tu veux dire, Seigneur, je veux te servir à partir d'aujourd'hui. Tu veux répondre à l'appel de Dieu. Ce matin, lève ta main. Les yeux fermés, tout le monde. Les yeux fermés. Tu veux donner ta vie à Dieu. Lève la main. Le Seigneur t'a appelé. Je vois les mains. Je vois les mains. Merci. Merci. Le Seigneur t'a appelé. Nous a appelé tous au salut. Avant même d'avoir l'appel pour faire quelque chose pour le Seigneur t'appelle pour recevoir le salut. Il t'appelle pour que tu n'ailles pas en enfer. Il veut te sauver. Il veut sauver ton âme. Lève la main très haut. Je veux voir très haut les mains. Je vois les mains. Toi, si tu veux lever la main, lève la main. Merci, ma soeur. Merci, mon frère. Merci. Merci. Ce matin, le Seigneur veut vous sauver. Il veut vous délivrer de l'enfer. Il veut vous donner une nouvelle vie. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant ma prière? Viens, ma soeur. Viens. Viens. Mon frère. Viens. Ma soeur, viens. Viens. Viens. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame donc ta vie à Dieu ce matin. Et que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Fermez les yeux. Je sais qu'il y a une personne qui doit venir, mais il a décidé de ne pas. Elle a décidé de ne pas. Une personne. Si tu peux venir maintenant. Viens maintenant. Viens. Viens. Viens. Alléluia. Alléluia. Fermez les yeux. Et répétez après moi. Fais cette prière. La vie de croire et de confesser. Et cette confession, nous allons faire ce matin. Et vous allez répéter après moi. Et faites cette prière, votre propre prière. Vous allez sentir quelque chose. Vous n'allez rien sentir. Mais il y a quelque chose spirituel qui va se passer dans votre vie et dans votre cœur. Au nom de Jésus. Dites, Seigneur, je te remercie pour cet appel. Seigneur, merci pour avoir envoyé Jésus pour me sauver. Ce matin, je crois et selon la Bible, je confesse qu'il est le Sauveur. Seigneur, je l'accepte. Je le prends comme mon Sauveur. Ce matin, je renonce à ma vie ancienne. Je vais te suivre le reste de ma vie. À cause de cela, je te demande pardon. Pardonne-moi tous mes péchés. Tous mes péchés, lave avec le sang de Jésus. Je vais te servir à partir d'aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Au jour du jugement, lorsque tu prends le livre, mon nom sera dans ce livre. Seigneur, merci. Merci. Dis à Satan, je ne te suivrai plus. J'appartiens à Jésus. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens plus. Je vais servir le Seigneur à partir d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour le salut. Merci pour la vie nouvelle, pour la vie éternelle. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.